Bongo, Douiman. Merci de nous rejoindre sur Isanganiro. Voici les grands titres de ce journal. Des échanges avec ses partenaires sur le rapport de la situation des droits de l'homme en 2024. La Commission nationale indépendante des droits de l'homme a relevé que parmi les stratégies de désengorgement des prisons, la justice ne devrait pas faire un recours quasi exclusif aux peines de privation de liberté. Et la commune Rumonge a commencé l'aménagement d'une buse sur la route Rumonge-Wuyengero au quartier Mugomere afin d'éviter à ses usagers de contourner par le chef-lieu de la province Bururi pour atteindre Rumonge. Et de l'avis d'un expert en gestion des politiques économiques, les prix sur le marché dépendent de plusieurs facteurs qui échappent à la volonté de l'autorité. Serge Niramheboura réagit à la récente fixation des prix par le ministère du Commerce. Vous l'entendrez dans ce journal. Et la chronique parle, rassure-moi, de ce mercredi, s'intéresse au langage incitant à la violence, tel qu'employé par certains leaders. Voilà pour les grands titres. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Les prix ne peuvent pas être fixés par l'administration comme récemment décidé par le ministre du Commerce qui a déterminé les barèmes des prix de certaines denrées alimentaires. Analyse d'un expert en gestion des politiques économiques qui précise que le marché a une force invisible qui n'a rien à voir avec celle de l'administration. Serge Niramheboura indique que le prix dépend de plusieurs facteurs qui échappent à la volonté de l'autorité. On l'écoute. Si les prix pouvaient être fixés par un décret ministériel, tous les pays n'auraient pas de problème de prix. Alors chaque pays ou chaque président ferait un ordre et les prix se comporteraient ainsi. Malheureusement, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Je vais aborder ce point-là en quatre points, disons. Premièrement, les prix entre eux. Comment les prix se fixent entre eux? Vous savez, il n'y a personne et il n'y a aucun pays qui produit ce dont elle a besoin. C'est la raison même de l'échange. Quand vous vendez un produit ou un service, c'est que vous avez besoin d'acheter un autre produit ou un autre service. Et vous comparez l'effort que vous avez mis à produire, l'effort qui a été mis dans le produit ou le service que vous voulez. Et c'est de là que le rapport de prix se fixe entre produits et services. Évidemment, il y a d'autres facteurs qui entrent dans la fixation des prix et c'est notamment la demande. Lorsque un produit est rare, s'il y a beaucoup de personnes qui cherchent un produit, et comme il est à compétition, chaque personne ou chaque acheteur va acheter, va essayer d'augmenter le prix pour s'en approprier. Et c'est de là qu'on dit que le prix est augmenté par la demande. Si une région ou un pays produit plus un produit ou un service et que les acheteurs ne sont pas aussi nombreux que les vendeurs, donc le prix de ce produit ou de ce service va diminuer. Troisièmement, c'est la question de substitution. Si le prix est exorbitant par rapport au confort que ça génère, vous allez choisir un tel mode plutôt que l'autre. Et comme il y a la compétition, les gens vont fixer leur prix en fonction du prix que les autres ont déjà fixé. Normalement, ce qu'on appelle le marché, il est plus fort que l'administration. Il y a une main invisible qui fixe les prix et cette main invisible est forte que l'administration. Donc, ça ne sera jamais possible que l'administration fixe les prix. Cet expert en gestion des politiques économiques explique que lorsqu'on assiste à une hausse généralisée des prix, le rôle essentiel revient à la Banque centrale par sa politique monétaire de freiner le mouvement. On écoute encore Serge Niramheboura. Lorsque les prix augmentent de façon générale, c'est de là qu'on parle de l'inflation. Et cette question est gérée par la Banque de la République. Cette question est tellement importante que la Banque de la République est autonome. On pouvait mettre la Banque sous la tutelle du ministère du Commerce ou du ministère des Finances, mais la question est tellement importante que ça ne peut pas se gérer avec d'autres choses. On préfère en faire une gestion spécialisée et le gouverneur de la Banque donne rapport au président de la République ou à tout le gouvernement parce que la question est tellement importante. Je peux aussi vous dire que ce n'est pas tous les pays qui ont un ministère du Commerce. Le ministère du Commerce, à un certain moment, ça n'a pas d'objet. Mais tous les pays ont une Banque de la République. C'est-à-dire que cette question est tellement importante qu'il faut y faire face avec du sérieux. Ça amène aussi une autre question qui est particulière chez nous. C'est la question de spécialisation. C'est la question de faire recours aux experts. Lorsqu'on parle de ça, c'est comme si on est en train d'amener un langage politique. Seulement, il y a une question question qui est ancienne, mais qui s'est amplifiée de nos jours. C'est que lorsque un dossier est juteux, on ne veut pas en faire une affaire publique. Ça devient très confidentiel, ça devient un dossier qui est géré entre les intimes. On s'en fiche de l'expertise. Alors que lorsque vous ignorez quelque chose d'important, ça amène d'autres problèmes. Serge Ntirampebura, il est expert en gestion des politiques économiques. La commune Rumonge a commencé l'aménagement d'une buse dans la route Rumonge-Buyengero au quartier Mugomere où elle était coupée depuis environ 3 mois. Augustin Minani, administrateur communal de Rumonge, dit que c'est dans l'optique d'alléger la souffrance des conducteurs de véhicules qui devaient faire des contours par le chef-lieu de la province Ebururi pour atteindre Rumonge. Et pourtant, cette route fait partie des travaux connexes de la réhabilitation de la RN3, tronçon Rumonge-Gitaza. Jean-Pierre Misago. Après près de 3 mois que cette route est coupée par les eaux de ruissellement au niveau du quartier Mugomere, obligeant du coup les usagers faisant la liaison Rumonge-Buyengero à contourner ce point critique pour les motocyclistes, à passer par le chef-lieu de la province de Bururi pour joindre les deux localités à bord d'un automobile et multiplier ainsi par environ 3 la distance habituelle, à payer 3000 francs burundais pour faire franchir un bidon de 250 litres d'huile de palme sur point critique, la commune Rumonge a finalement décidé l'aménagement de cette zone dont les travaux ont commencé depuis bientôt une semaine pour renormaliser le trafic dans cette route. Certains usagers de cette route rencontrés sur place s'en réjouissent, mais disent que leur satisfaction sera totale avec la reprise du trafic à ce niveau au terme de ces travaux. Alors que certains usagers de cette route se demandent pourquoi un si long retard dans la réhabilitation de ce point critique, avec un phénomène de ravinement qui ne faisait que s'amplifier, Augustin Minani, administrateur communal de Rumonge, dit qu'il s'agit d'un cas imprévu et de surcroît, un point se trouvant dans une route dont le marché de réhabilitation dans le cadre des travaux connexes de la réhabilitation de la route nationale numéro 3 tronçon Rumonge-Gitaza a été déjà attribué, un marché dont l'exécution n'a pas encore jusqu'à présent commencé. Il s'agit là, pour la commune Rumonge, des travaux visant seulement la renormalisation de la circulation routière et la stabilisation de ce point, selon l'administrateur communal de Rumonge. Jean-Pierre Misago depuis Mugomere, Radio Isanganiro. Deux personnes, dont un motard, ont été blessées ce mardi au cours d'une bagarre qui a éclaté entre motards et policiers. À l'origine, un policier a saisi une moto, accusant le motard d'avoir transporté deux clients. Des échauffourées s'en ont suivies devant la résistance du motard, les policiers ayant dû tirer en l'air pour disperser la foule en colère et qui jetait des pierres sur ces hommes en uniforme. Explication dans cette correspondance de Space Caritas Cavagnana. Il s'agit d'un policier qui a saisi une moto, expliquant que le conducteur a transporté deux personnes. Le motard n'a pas cédé et il a été battu pour relâcher sa moto, selon les témoins sur place, au parking de Moussegni en commune Manda. Les gens qui observaient et tous ceux qui étaient au marché se sont précipités vers le lieu de l'incident avec des pierres qu'ils ont jetées aux policiers. L'un des motards raconte qu'il craignait que cette moto pourrait disparaître, expliquant que le policier en conflit avec le motard a passé quelques jours au cachot suite à une disparition d'une moto saisie selon la même source. Pour s'en sortir et échapper au jet de pierre, les policiers ont dû tirer en l'air selon les témoins sur place. Le calme est revenu quand les administratifs sont arrivés sur place ainsi que d'autres policiers qui ont pu remettre les choses en ordre. La moto saisie a été remise au propriétaire avant d'être évacuée à l'hôpital. L'autre personne qui a été blessée a été battue par les policiers en colère, l'accusant d'avoir jeté les pierres aux forces de l'ordre. Le chef de colline Gifugwe, qui était sur les lieux, déplore le comportement de certains policiers, tout comme les habitants de Moussegni contactés. Par contre, le commissaire provincial de police jette le tort sur les motards, accusés de commettre beaucoup de fautes sans toutefois accepter les sanctions. Spécialitas Kabanyana, Bubanza, Radio Isanganiro. La radio de l'avenir. Ne pas privilégier les peines de privation de liberté est une des stratégies auxquelles la justice pourrait recourir afin de désengorger les prisons. Une autre stratégie allant dans ce sens est l'élargissement rapide des détenus acquittés et ceux ayant purgé leur peine. Précision ce mardi du président de la Commission nationale indépendante des droits de l'homme lors d'une réunion d'échange avec ses partenaires sur le rapport de la situation des droits de l'homme en 2024. Certains de ses partenaires sont revenus sur les mineurs en conflit avec la loi et le respect des droits de l'homme en cette période préélectorale. Les détails avec Mireille Kanyang. Parmi les partenaires de la CNIDH qui ont réagi à ce rapport sur la situation des droits de l'homme au cours de l'année 2024, figure l'ambassadeur de la Belgique au Burundi qui est revenu sur le respect des droits et libertés en cette période préélectorale. En réponse, Dr Sixte Vigny-Nimuraba, président de la CNIDH, a regretté des cas d'emprisonnement lors de l'enregistrement des électeurs. Là, je dois honnêtement dire qu'on a déjà commencé à voir des signes. Des signes qui ne sont pas bons. On a fait des descentes dans certains lieux, dans certaines provinces. Il y a même des provinces où on est allé, on a passé 2 ou 3 jours pour faire des enquêtes. Surtout, même au moment de l'enregistrement, il y a des gens qui ont été emprisonnés ou qui ont été séquestrés par des groupes ici et là. Et le malheur, c'est qu'on a ouvert les dossiers quand on a vu que la CNIDH était déjà sur le terrain. Je pense que ça ne devait pas être comme ça. On devait toujours ouvrir les dossiers judiciaires chaque fois qu'il y a une allégation sans que la CNIDH puisse s'en rendre compte. De son côté, la représentante de l'UNICEF au Burundi a parlé des mineurs qui passent plus de temps avec les adultes avant de les acheminer vers les centres de rééducation. L'autre question, c'est qu'on voit aussi souvent, et on a souvent des rapports sur le fait que les mineurs restent beaucoup plus longtemps dans les cachots avant d'être soit transférés dans les centres de rééducation ou d'être libérés. Donc, qu'est-ce qui peut être fait vraiment pour accélérer davantage que leur cas soit traité le plus rapidement possible? Sur ce, le président de la CNDH a rappelé l'urgente nécessité de vite transférer ces mineurs. L'autre question soulevée est relative aux détentions illégales, ce qui fait que les prisons restent surpeuplées. En réaction, le président de la Commission nationale des droits de l'homme, CNIDH, a souligné qu'il y a des stratégies à mettre en œuvre. C'est entre autres la libération effective des détenus acquittés ou ayant purgé leur peine. Je pense que la première chose qu'il faut faire, il faut se rassurer que toute personne qui a été acquittée ou qui a purgé sa peine est libérée. Comme ça, on va voir qu'il y a pas mal de personnes qui sortent et on va travailler avec des effectifs qui sont plus ou moins acceptables. Nous avons aussi le cadre de la peine. Autre chose, et qui devait être la première, la réévaluation de la nécessité d'emprisonner. Parce que tant qu'on va continuer à faire des grâces présidentielles, des cadres de la peine pour des gens qui ne devraient même pas être en prison, je pense qu'on est encore loin. Il faut une sensibilisation, il faut un engagement de tout un chacun pour que la personne qui est incarcérée est une personne vraiment qui nécessite d'être incarcérée. Et c'est fin janvier de cette année que la CNIDH a présenté le rapport de la situation des droits de l'homme au Burundi au cours de l'année 2024. Merci Mireille Kanyang. Certaines femmes de la colline Bgoga, en commune de province de Gitega, affirment avoir compris l'importance de pratiquer une agriculture protégeant l'environnement. C'est notamment par le recours aux méthodes de conservation du sol, l'association des cultures à certaines espèces d'arbres. Le chef de colline Bgoga, Havdarimana Jean-Claude, témoigne qu'il collabore avec des techniciens agricoles pour donner régulièrement des formations aux agriculteurs, en particulier aux femmes, sur les techniques agricoles montrant comment éviter l'érosion et garder la fertilité du sol. Un reportage de Lydie Gahimbare. Nous avons rencontré ces femmes à la colline Goga, commune province de Gitega, en train de faire le sarclage des haricots. Ces femmes affirment avoir compris l'importance de pratiquer l'agriculture qui protège l'environnement grâce aux formations reçues de la part des agronomes en collaboration avec l'administration locale. En plus de cultiver tout en protégeant la terre, ces femmes expliquent également qu'elles ont bénéficié également des formations à cultiver des cultures qui les aident à faire face au changement climatique. Par exemple, grâce aux potagers familiaux, elles peuvent nourrir leur famille durant la saison sèche, ajoute-t-elle. Jean-Claude Abdelimana, chef de cette colline, affirme qu'avec l'appui des techniciens, les femmes apprennent comment éviter l'érosion et protéger le sol pour garder sa fertilité. Le gouverneur de la province de Gitega, Vena Manilambona, apprécie les activités des agriculteurs, en particulier les femmes, pour les progrès réalisés en matière de l'agriculture moderne et de la protection de l'environnement, ce qui leur permet aussi d'avoir de bonnes récoltes. Cette autorité conseille les agriculteurs en général, surtout les femmes, qui n'avaient pas encore adapté l'agriculture qui protège l'environnement, de suivre les formations comme les autres. Cela les permettra à avancer ensemble vers le développement sans oublier la protection de l'environnement pour faire face aux effets du changement climatique. Lydie Gahimbare. Nous poursuivons la lecture des dispositions de la loi portant réorganisation de l'administration communale. Étant donné qu'en juin prochain se déroulent les élections des conseillers communaux et des députés. Aujourd'hui, nous évoquons l'élection et le mandat des membres du conseil communal. Ils sont élus au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans. Cette même loi stipule que la Commission électorale nationale indépendante, CENI, veille à ce que la diversité ethnique et genre soit respectée dans l'élection des membres des conseils communaux et qu'au moins 1 sur 3 soit une femme. Le compte-rendu de lecture de cette loi avec Stella Ndaïchimie. Selon l'article 9 de cette loi, le conseil communal est l'un des organes de la commune. L'article 10 de la même loi stipule qu'il supervise et contrôle les activités de l'exécutif communal. L'article 11 de cette loi précise les membres du conseil communal et leur mode de sélection. En effet, ils sont au nombre de 25 et sont élus au suffrage universel direct et les candidatures sont présentées soit par les partis politiques sur des listes bloquées, soit par des indépendants qui se présentent à titre individuel. C'est le code électoral qui fixe les modalités de leur élection conformément à cet article. L'article 12 parle du mandat des conseillers communaux. Il précise qu'il est gratuit et commence à courir le jour où il entre en fonction et prend fin à l'expiration d'un délai de 5 ans. Et en cas de déchéance d'un conseiller communal, ses fonctions prennent fin immédiatement le jour de l'acte de déchéance et son remplacement suit les modalités prévues par le code électoral. L'article 13 de la même loi parle des fonctions incompatibles avec le mandat du conseiller communal. Il s'agit notamment de celles du président de la République, du parlementaire, du vice-président de la République, du premier ministre, des ministres, de l'ombudsman, du gouverneur de province et celles de tout le personnel d'appui de l'administration communale. L'article 15 décrit la composition des conseils communaux. Il précise que la commission électorale indépendante veille à ce que les conseillers communaux reflètent d'une manière générale de la diversité ethnique et de genre de leur électorat et qu'au moins 1 sur 3 est une femme. On passe maintenant à la chronique sur les messages d'ON. Parle, rassure-moi. La chronique parlera sur moi de ce mercredi s'intéresse au langage incitant à la violence tel qu'employé par certains leaders. Selon l'expert en leadership d'Ismas Ndaï Kengurukiye, de tels discours sont à proscrire car ils risquent de désorienter la population. Ce point de vue est partagé par des habitants de la commune Kayokwe dans la province de Ngaro qui estiment que les responsables devraient plutôt adopter un langage apaisant, favorable à l'unité et au développement. Francine Ndiokubgay. Kubarongoye ingaruka zibanende cyane gose. Indongozi ihamagarira abantu gukora ubu Ces habitants de la colline Kibogoye s'inquiètent de l'impact des discours tenus par certains leaders. Selon eux, l'usage d'un langage violent de la part de figures d'autorité peut entraîner de graves conséquences, étant donné leur influence au sein de la société. Ils estiment qu'un tel climat compromet toute perspective de développement. Un leader devrait être caractérisé par des messages tranquillisants et rassurants, car il occupe une position stratégique et cela lui procure une capacité d'influencer positivement ou négativement. Si un leader se lance dans les discours divisionnistes, le côté qui lui est proche est à l'aise et l'autre côté se met sur la défensive. Et cela engendre la guerre. Le développement est freiné, les maladies et les pertes en vie humaine prennent place et le développement est impossible. Le chef culinaire Kom Gahungu insiste sur le rôle exemplaire que doit incarner un bon dirigeant. Pour lui, il est essentiel que les leaders montrent l'exemple et sensibilisent la population sur l'attitude à adopter face aux discours incitant à la violence. Il y a un comportement que doit afficher un responsable. Tu dois éviter un langage divisionnaire. Tu appelles tes militants à vivre en harmonie en suivant surtout le programme qui mène au développement. De son côté, l'expert en leadership, Dismas Ndaikengurukiye, rappelle qu'un bon leader est avant tout une personne de valeur qui œuvre à l'unité. Les responsabilités, c'est d'œuvrer pour le bien-être de toute personne sans distinction aucune. Alors, au moment des discours ou de, même des causeries au sein de leur groupe ou au sein des groupes qu'ils représentent, ils devraient tenir compte de l'impact de leur discours, de leur message. Premièrement, les leaders devraient s'attacher à des discours qui appellent à la tolérance pour que les gens ne tombent pas dans le piège de considérer les différentes diversités, que ce soit diversité d'opinion, diversité basée sur les identités, comme des menaces, mais plutôt comme des richesses qui constituent la richesse pour notre société. Un discours d'un leader devrait être rassembleur. L'invite également les récepteurs de ces discours à réfléchir à leurs propres responsabilités en soulignant que la justice pourrait les poursuivre individuellement en cas de dérapage. Et ainsi se referme ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi.